même qui ne m'aime pas. Dis-moi où est-ce que l'argent nous mène et nous mènera. Moi je kiffe le bif, trop propre et français. Tout comme je kiffe le rap trop propre et français. Qu'importe l'origine, plus carré ou français. Tout le monde veut mec money, du plus clair au foncé. Du bronzé au plus pâle, on a tous les mêmes pensées. Mec money, ça c'est ce qui était marqué. On rappe, on fait nos bails, on fait des thunes, on publie et on représente. Mec money, mec money. On fait nos plantes correctement. Si tu te plantes, faudrait pas que tu penses. Mec money, mec money. On rappe, on fait nos bails, on fait des thunes, on publie et on représente. Mec money, mec money. On fait nos plans correctement. Si tu te plantes, faudrait pas.